الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لالونج تا ديو سينيور ديز اونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين، et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدنا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et digne de confiance. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion. نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On poursuit nos cours de biographie du prophète, prière et salut sur lui, مع الدرس السادس والعشرين, avec le cours numéro 26. أمام اعتداءات المشركين وتعذيب المسلمين بمكة, devant les agressions des associateurs et la persécution des musulmans dans la Mecque, wa amama adami qudrat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-difa' 'an al-muslimin, et devant l'incapacité du prophète, prière et salut sur lui, à défendre les musulmans, fa kana yara 'adabahum bi'aynihi ar-rahima wa la yastati'u fi'la ayy shay'. Il voyait leur persécution avec son œil clément et miséricordieux, mais il ne pouvait rien faire pour leur venir en aide. Mais malgré son incapacité à les défendre, à les protéger, c'est-à-dire ses amis, فَلَنْ يَتْرُكَهُمْ يَمُوتُونَ وَاحِدًا بَعْدَ الْآخَرِ تَحْتَ وَطْأَةِ الْعَدَابِ. Mais quand même, il ne va pas les laisser mourir les uns après les autres sous le poids de la torture. لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَصْحَابَهُ حُبًّا كَبِيرًا. Parce qu'il aimait ses amis un grand amour. قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فِي آيَةٍ كَرِيمَةٍ. Dieu dit à propos de son messager dans un verset coranique, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre propre race. Il lui coûte de vous voir peiner. Il veille pleinement à votre sauvegarde et il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. مَا هُوَ الْحَلِّ لِحِمَايَةِ أَصْحَابِهِ بِمَكَّةِ. Quelle est la solution pour protéger ses amis dans la Mecque? قال لهم صلى الله عليه وسلم, il leur dit, prière et salut sur lui, لو خرجتم إلى أرض الحبشة, si vous partez vers la terre ou vers le pays d'Abyssinie, l'Éthiopie d'aujourd'hui, فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد, parce que dans ce pays se trouve un roi chez lequel ou auprès duquel personne ne subit d'injustice. وهي أرض صدق, et il s'agit d'une terre de véracité. حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه, jusqu'à ce que Dieu vous prépare une issue de ce que vous souffrez. رواه ابن إسحاق, rapporté par ابن إسحاق. وفي شهر رجب سنة خمس من بداية الوحي, et dans le mois de Rajab, dans l'année 5, à partir du début de la révélation, هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. La première délégation a commencé son hégir vers l'Abyssinie. على رأسهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. À leur tête se trouvait Uthman, fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui. وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et sa femme, Ruqayya, fille du messager de Dieu, prière et salut sur lui. قال النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète, prière et salut sur lui, dit, إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. Il s'agit du premier couple ou du premier foyer qui a émigré sur le chemin de Dieu après Abraham et Lot, que les salutations de Dieu soient sur eux, c'est-à-dire Abraham et Lot. وكان كذلك معهم مصعب ابن عمير وعثمان ابن مضعون رضي الله عنهما. Il y avait dans cette délégation Mus'ab, fils de Umair, que Dieu soit satisfait de lui, et Uthman, fils de Mad'oun. والفوج يضم عشرة رجال وخمسة نسوة. Dans ce groupe, il y avait 10 hommes et 5 femmes. خرجوا تحت ظلام الليل إلى البحر. Ils se sont dirigés vers la mer sous l'obscurité de la nuit. وتبعهم المشركون لما وصلهم الخبر في الغد. Le lendemain, les associateurs les poursuivirent lorsqu'ils étaient informés de leur départ. فوجدوا السفينة قد أبحرت. Et ils ont trouvé que le bateau portant les musulmans est déjà parti. وبقي المسلمون في أمن بالحبشة. Et les musulmans vont rester par la suite en toute sécurité dans l'Abyssinie. فإذا كانت أرض العرب المشركة قد منعت المسلمين من حرية الدين. Si la terre arabe des associateurs a empêché, a interdit aux musulmans la liberté d'adorer leur Dieu, la liberté de la religion, فقد وهبتهم أرض الحبشة المسيحية الإفريقية حرية الدين. Si cette terre leur a interdit ceci, la terre d'Abyssinie, cette terre chrétienne et africaine, leur a donné la liberté de la religion. Ainsi Dieu a transformé leur crainte, leur peur, en rassurance et sécurité, et leur souffrance en une tranquillité. من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. Dans le mois de Ramadan, de la même année, le prophète, prière et salut sur lui, est sorti de sa maison pour aller vers la Kaaba. وبجانبها جمع كبير من قريش. À côté de la Kaaba, il y avait une foule de Quraychites. فيهم سادات مكة وكبراؤهم. Dans cette foule, il y avait les maîtres et les dignitaires de la Mecque. فَفَاجَأَهُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Et le prophète, prière et saïsoui, les a surpris tous avec la récitation coranique. وَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ. Il a commencé à réciter le chapitre l'étoile. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَلْغَوْنَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ. Auparavant, chaque fois que le messager de Dieu, prière et saïsoui, réciter devant eux le Coran, ils criaient, ils causaient pour ne pas entendre les paroles coraniques. وفي هذه المرة أمام المفاجأة, mais pendant cette fois-ci et devant la surprise, l'effet de surprise, أعجبهم جمال كلام الله تعالى وتبارك. La beauté de la parole de Dieu leur a plu. فلم يتكلم أحد. Personne n'a parlé. واستمعوا جيدا. Ils ont bien écouté. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أواخر الصورة. Lorsque le prophète prière et salut sur lui a lu la fin ou les derniers versets de ce chapitre. أفمن هذا الحديث تعجبون. Est-ce de ce discours que vous vous étonnez. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. Que vous riez et que vous ne pleurez pas, absorbé que vous êtes par votre distraction. Fasjudu lillahi wa abudu. Prosternez-vous donc à Dieu et adorez-le. Thumma sajada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Juste après ce verset, le prophète prière et salut sur lui se prosterna. Wa sajada ma'ahu kullu al-hadiri. Et tous les présents à côté de la Kaaba se sont prosternés avec lui. Muslimun ou mushrikun, les musulmans ou bien les associateurs, tous les présents se sont prosternés. Par la suite, les associateurs ont regretté leur prosternation. Et ils sont revenus vers le combat de l'islam, à combattre l'islam. Et l'information est arrivée vers les musulmans qui se trouvaient à, ou bien dans l'Abyssinie. Mais sous une autre forme. Anna Makkah aslamat. L'information qui arrivait vers l'Abyssinie, c'est que la Mecque est devenue entièrement musulmane. Tout le monde s'est converti à l'islam. فرجعوا من الحبشة في شهر شوال من نفس السنة بعد ثلاث أشهر فقط. Le groupe musulman est revenu vers la Mecque dans le mois de Shawwal, le mois qui a suivi Ramadan, de la même année, ça veut dire après trois mois uniquement. فلما وصلوا إلى ضواحي مكة, lorsqu'ils arrivèrent à la banlieue de la Mecque, عرفوا الحقيقة, ils ont appris la vérité. فمنهم من رجع إلى الحبشة. Il y a des gens parmi eux qui sont revenus vers l'Abyssinie. Ils n'ont pas voulu entrer dans la Mecque. ومنهم من دخل مستخفيا. Il y a des gens qui sont entrés dans la Mecque mais en cachette. أو في حماية أو جوار رجل من قريش. Il y a des gens qui sont entrés dans la Mecque mais sous la protection d'un homme associateur. كعثمان ابن مضعون رضي الله عنه الذي أجاره الوليد ابن المغيرة وهو من أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كم عثمان fils de مضعون que Dieu soit satisfait de lui qui a été protégé par الوليد fils de المغيرة le grand ennemi du prophète prière et salut sur lui. ثم استعد المسلمون مرة أخرى للهجرة. Et par la suite, les musulmans se sont préparés pour une deuxième hégire. Ala nitaqin wasi', mais cette fois-ci à plus grande échelle. 83 rajulan. Cette fois-ci, ça va être 83 hommes, wa 18 imra'a, et 18 femmes. Min ghayr al-awlad, sans compter les enfants qui vont les accompagner. Wa kal marra al-madiya, aradat Quraysh man'a al-hijra. Et comme la fois précédente, Quraysh, ou la cité de Quraysh, a voulu empêcher cette égire, a voulu interdire cette égire, وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَصْرَعَ. Mais les musulmans étaient les plus rapides. وَأَعَانَهُمُ اللَّهُ فَوَصَلُوا إِلَى الْحَبَشَةِ. Et Dieu les a aidés et ils sont arrivés jusqu'à l'Abyssinie. وَغَضِبَتْ Quraysh. لأن أكثر من 100 من المسلمين صاروا في الحبشة آمنين. Et il y a eu une grande colère chez les Quraychites parce que plus que 100 personnes des musulmans sont devenus en toute sécurité dans l'Abyssinie. ولم تستطع إيقافهم قبل الهجرة. Et ils n'ont pas pu les empêcher d'accomplir leur hégire. فقرروا إرسال رجلين من قريش. Ils ont décidé d'envoyer deux hommes coréchites, وهما عبد الله ابن أبي ربيعة, et il s'agit de عبد الله fils de Abu Rabi'a, وعمر ابن العاص ابن وائل, et عمر fils de العاص fils de وائل, ومعهما هدايا للنجاشي ولبطارقته. Ces deux hommes sont accompagnés de plusieurs cadeaux pour le Négus, l'empereur abyssin, et pour ses patriarches. Kay yarud lahum al-muslimin, et tout ceci afin d'avoir l'extradition, de bénéficier de l'extradition des musulmans et de les faire revenir vers la Mecque. Falamma wasala al-mab'uthani Amr wa Abdullah, à l'arrivée de Amr, des deux envoyés Mekwa, Amr et Abdullah, qaddama li kulli batriqin hadiyata. Ils ont offert à chaque patriarche son propre cadeau. قبل الكلام مع النجاشي, avant de parler avec le Négus, وشرح سبب قدومهما للبطارقة, ils ont expliqué la cause de leur venue à tous les patriarches. فوافق البطارقة على رد المسلمين. Et à ce moment-là, les patriarches ont donné leur accord pour l'extradition des musulmans. وبعد ذلك قدم الهدايا إلى النجاسي. Et c'est après ce moment-là d'avoir l'accord des patriarches qu'ils ont parlé avec le grand Négus. Ils lui ont présenté les cadeaux. فقبل الهدايا. Le Négus a accepté leurs cadeaux. فقال له. Ils lui dirent. أيها الملك, au grand roi, إنه قد دخل إلى بلادك أناس منا سفهاء. Il y a des gens de notre pays, des gens pervers, qui sont venus dans ton pays. فارقوا دين قومهم, ils ont abandonné la religion de leur peuple. ولم يدخلوا في دينك, et ils n'ont pas embrassé ta religion, ils n'ont pas suivi ta religion. وجاءوا بدين ابتدعوه, ils ont apporté une religion inventée par eux. لا نعرفه نحن ولا أنت, une religion inconnue de notre part et de ta part. وقد بعث إليك أشراف قومهم آباؤهم وأعمامهم لتردهم إليهم. Et voici les notables de leur peuple qui ont envoyé vers toi, c'est-à-dire les notables, leurs parents, leurs oncles, qui ont envoyé vers toi ces cadeaux afin que tu leur livres ces musulmans. فقال البطارقة, les patriarches dirent à ce moment-là, صدق أيها الملك, ce qu'ils ont dit est la pure vérité. فأسلمهم, c'est-à-dire ils ont eu raison. فأسلمهم إليهم كي يرجعوا إلى بلادهم وقومهم, livre livre les musulmans à ces deux hommes afin qu'ils reviennent vers leur pays et vers leur peuple. فغضب النجاشي وقال, le Négus s'est emporté par une grande colère et dit, لا والله لا أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم. Par Dieu, je ne les livre à eux qu'après les avoir convoqués et interrogés. فإن كانوا كما قال فعل, s'ils sont comme ce qu'ils ont dit, je vais faire ce qu'ils ont voulu. وإن كان العكس منعتهم منهما, mais dans le cas contraire, je vais les défendre, je les défendrai. وأحسنت إليهم, et je vais bien faire envers eux. وهنا يظهر عدل النجاشي, et là apparaît la grande équité et justice du Négus, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, exactement comme le prophète prière et sur lui l'a dit. إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Il y a dans cette terre, c'est-à-dire l'Abyssinie, un roi auprès duquel personne ne subit une injustice. فلما دعا المسلمين إليه, lorsqu'il a convoqué les musulmans vers lui, اتفقوا أن يتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. Les musulmans se sont mis d'accord que celui qui va prendre la parole parmi eux, c'est Ja'far ibn, fils de Abu Talib, que Dieu soit satisfait de lui, le frère de Ali et le cousin du prophète, prière et salut sur lui. فسأله النجاشي عن دين الإسلام. Le Négus l'a interrogé à propos de cette religion d'islam. فقال Ja'far رضي الله عنه, Ja'far, que Dieu soit satisfait de lui, dit, أيها الملك, au grand roi, كنا قوما أهل جاهلية. On était un peuple vivant dans la période pré-islamique, dans une période où il y avait l'injustice et l'ignorance. نعبد الأصنام. On adorait les idoles. ونأكل الميتة. On mangeait, on consommait la viande des bêtes non égorgées. ونأتي الفواحش. Et on accomplissait les actions immorales. ونقطع الأرحام. On coupait les liens de parenté sacrés. ونسيء الجوار. On faisait du mal aux voisins. ويأكل القوي منا الضعيف. Et les plus forts prenaient la part des plus faibles parmi nous. حتى بعث الله إلينا رسولا منا jusqu'au jour où Dieu nous a envoyé un message de notre propre race. نعرفه qu'on connaissait. ونعرف نسبه et on connaissait sa lignée. وصدقه et sa véracité. وأمانته et on connaissait sa confiance. وعفافه et on connaissait sa chasteté. فدعا إلى الله لنوحده ونعبده et il a appelé à Dieu qu'on proclame son unicité et qu'on l'adorait seul. ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان et il nous a demandé à renoncer à l'adoration des pierres et des idoles qu'adoraient aussi nos parents. وأمرنا بصدق الحديث il nous a ordonné de dire la vérité dans la parole et de protéger et de rendre le dépôt confié et il nous a demandé de renforcer les liens sacrés de la parenté et il nous a demandé de respecter le voisinage il nous a demandé aussi de ne pas commettre les interdits et de ne pas faire couler le sang innocent. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ il nous a interdit les actions, de commettre les actions immorales. وَقَوْلَ الزُّورِ et de dire les faux témoignages. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ et de consommer les biens d'un orphelin. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ou bien d'accuser à tort les femmes chastes. وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا نشرك به شيئا. Il nous a ordonné d'adorer Dieu unique sans rien ne lui associer. وأمرنا بالصلاة. Il nous a ordonné la prière, والزكاة, la zakat et le jeûne, والصيام إلى آخره, etc. فصدقناه وآمنا به. Par la suite, nous avons cru en son message. واتبعناه على ما جاء به من الله et nous l'avons suivi sur ce qui nous a apporté de la part de Dieu فعدا علينا قومنا et à ce moment-là notre peuple nous a agressé فعذبونا ils nous ont persécutés وفتنونا عن ديننا et ils nous ont éprouvés par rapport à notre religion ليردونا إلى عبادة الأوثان بدل عبادة الله afin de nous faire retourner, revenir vers l'adoration des pierres et des idoles à la place de l'adoration de Dieu, et de nous faire revenir vers l'accomplissement de ce que nous faisions comme action immorale. Et lorsqu'ils nous ont torturés et lorsqu'ils nous ont persécutés, nous nous sommes dirigés vers ton pays et nous t'avons choisi par rapport à tous les autres rois et nous avons souhaité ton voisinage et ta protection et nous avons souhaité qu'on ne soit pas victime d'injustice auprès de toi, ô grand roi. فقال النجاشي Le Négus dit هل معك شيء مما جاء به عن الله Il lui a dit As-tu quelque chose parmi la parole apportée par ce messager de la part de Dieu قال جعفر نعم جعفر dit Oui فقال النجاشي اقرأ عليه Le Négus lui dit Lis, récite pour moi quelques versets واختار جعفر رضي الله عنه بذكائه As-surat al-munasiba. Et Ja'far, avec son intelligence, il a choisi le chapitre convenable. Faqara'a ba'dan min surat Maryam alayhi salam. Il a récité une partie du chapitre de Marie. Prière et salut sur elle. Fabak al-Najash. Hatta khdallat lihiyatuh. Et le Négus a pleuré jusqu'au point de faire tremper sa barbe par ses larmes. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم et ses évêques ont pleuré jusqu'au point de faire tremper les pages de leurs livres saints Ils ont pleuré devant la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Safa'u wa jamalu kalam illah ja'ala al-kuffara wal-mushrikina yasjudun min ghayri shu'ur. La clarté, la beauté de la parole de Dieu ont poussé les mécréants et les associateurs à se prosterner sans se rendre compte. وَجَعَلَ مَصَارَ الْحَبَشَ يَبْكُونَ. Cette clarté, cette beauté de la parole de Dieu a poussé les chrétiens d'Abyssinie à pleurer. هَذِهِ هِيَ قُوَّةُ كَلَامِ اللَّهِ. Telle est la puissance et la force de la parole de Dieu dans le Coran. الَّذِي لَوْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى جَبَلٍ لَنْ شَقَّى وَخَشَعَ. Ce Coran qui, si Dieu subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur une montagne, celle-ci va se fissurer et se recueillir. ولكن مع الأسف المسلمون في هذا العصر تركوا يعلوه الغبار. Et malheureusement, les musulmans de notre époque l'ont laissé se couvrir de la poussière, c'est-à-dire le Coran. ومع الأسف لم يعرفوا قيمته. Et malheureusement, les musulmans de notre époque n'ont pas connu sa valeur. نسأل الله الهداية للجميع. On demande à Dieu la bonne orientation pour tout le monde. ثم قال النجاشي. Et par la suite, le Négus dit: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. Ceci, ça veut dire le Coran, et ce que Jésus, prière et salut sur lui, a apporté sort de la même source. In taliqa, partez, c'est-à-dire il parle avec les deux Mekwa. In taliqa, partez. Fala wallahi la uslimuhum ilaykuma. Par Dieu, je ne vais jamais les livrer à vous. Wa hakada intasara al muslimuna fil jawla al ula. Ainsi les musulmans ont gagné la première manche. Lianna Amr ibn al As, yani, qala li sahibihi ba'da khurujihima. Parce que Amr, fils de l'As, a dit à son compagnon après leur sortie: Wallahi, la'atiyannahu ghadan anhum bima astasilu bihi khadra'ahum. Par Dieu, demain je reviendrai vers le roi et je vais lui dire à propos des musulmans quelque chose avec laquelle je vais déraciner leur verdure. Wa fi nahar al-ghad qala lil malik qala lin najashi. Le lendemain, il dit au Négus: أيها الملك، أو grand roi، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. Ces musulmans disent à propos de Jésus une parole énorme. فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. Convoque-les et interroge-les à propos de ce qu'ils disent à propos de Jésus. فلما جاء المسلمون سألهم. Lorsque les musulmans arrivèrent devant lui, il les a interrogés: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ Que dites-vous à propos de Jésus, fils de Marie? قال جعفر رضي الله عنه. جعفر, que Dieu soit satisfait de lui, dit: نقول الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. On dit à propos de Jésus ce que nous a apporté notre prophète, prière et salut sur lui. Huwa Abdullah, il est le serviteur de Dieu, ça veut dire Jésus, il est le serviteur de Dieu. Wa rasuluhu, et son messager. Wa ruhuhu, et son esprit. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adra al-Batul, et son mot ou son verbe qu'il a jeté à Marie la Vierge. Fa daraba an-Najashi bi yadihi al-ard, et le Négus a frappé le sol avec sa main. فأخذ منه عودا, et il a saisi du sol un petit bâton. ثم قال, et après il a dit: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. Par Dieu le très haut, Jésus n'a pas dépassé de ce que tu as dit plus que ce petit bâton, c'est-à-dire il ne dépasse pas de ce que tu dis, c'est-à-dire c'est la même chose, Jésus est conforme à ce que tu viens de dire, ou ce que tu viens de dire est exactement la vérité de Jésus. اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي. Partez, c'est-à-dire les musulmans, partez, vous êtes en pleine sécurité dans mon pays. اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي Man sabbakum gharib. Celui qui vous insulte ou qui se moque de vous payera une amende. Il a dit ça trois fois. Man sabbakum gharib. Man sabbakum gharib. Ruddu alayhima hadayahuma fala hajata li biha. Rendez aux Mécois, aux deux Mécois, leur cadeau, j'en ai pas besoin. هذه رواية ابن إسحاق. C'était la version de ابن إسحاق. وفي رواية للحافظ أبي النعيم. Et dans une autre version racontée ou rapportée par الحافظ ابن أبو نعيم. قال النجاشي في الأخير. À la fin, le Négus leur dit: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. Soyez les bienvenus. C'est-à-dire aux musulmans, soyez les bienvenus. C'est-à-dire vous et celui qui vous a envoyé, c'est-à-dire le prophète, prière et salut sur lui. فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. J'atteste ou je témoigne qu'il est le messager de Dieu. وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى. Et comme quoi c'est lui la personne qu'a annoncé Jésus, prière et salut sur lui. وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أُقَبِّلَ نِعْلَيْهِ. Et si je n'étais pas occupé par mon royaume, je partirais chez lui jusqu'au point d'embrasser ses deux chaussures. Hatta uqabbila na'alayhi. Umkuthu fi ardi ma shi'tum. Restez dans mon pays le temps que vous voulez. Wa amara lahum bi ta'amin wa kiswa. Et il a demandé ou il a ordonné qu'on leur donne du repas, du manger et des habits. وهكذا بدل أن يرد للمشركين المسلمين رد لهم هداياهم. Et ainsi, au lieu de rendre aux Mécois les musulmans, il leur a rendu leur cadeau. إنه ملك عادل وصالح. Il s'agit d'un roi pieux et équitable. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Exactement comme l'a dit le prophète, prière et salut. وهكذا انتصر المسلمون كذلك في الجولة الثانية. Et ainsi les musulmans ont gagné dans la deuxième manche. وفشلت قريش كالعادة في مسعاها. Et de la même manière, et comme d'habitude, la cité de Quraysh a échoué dans ses manœuvres. وأكبر من هذا كانت قريش سببا في إسلام النجاشي. Et plus que ça, la cité de Quraysh était la cause ou le moyen de l'islam, du Négus. فَمُخَطَّطُهَا أَدَّ إِلَىٰ عَكْسِ مَا تُرِيدُ. Son plan et son complot s'est retourné contre elle. وَهَكَذَا أَصْبَحَ النَّجَاشِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَلِكٍ يُسْلِمُ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ainsi le Négus, que Dieu soit satisfait de lui, est devenu le premier empereur qui a embrassé l'islam à l'époque du prophète, prière et salut sur lui. وَيَوْمَ مَاتَ النَّجَاشِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Le jour du décès du Négus, que Dieu soit satisfait de lui, أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَحَابَتَهُ فِي الْمَدِينَةِ. Allah أخبر النبي في نفس اليوم. Dieu a informé le prophète, prière et salut sur lui, qui était à Médine. Et le prophète a informé à son tour ses compagnons. وقال لهم, il leur dit: مات اليوم عبد لله صالح. Aujourd'hui est décédé un serviteur de Dieu vertueux. وقال لهم, il leur dit: استغفروا لأخيكم. Demandez pardon à Dieu pour votre frère. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت عليه مع أصحابه. Et par la suite, le prophète, prière et salut sur lui, a accompli la prière mortuaire avec ses compagnons en faveur du Négus, متفق عليه, unanimement authentique. وهنا تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال أصحابه رضوان الله عليهم إلى الحبشة. Et là apparaît la grande sagesse du prophète, prière et salut sur lui, pour le fait qu'il a envoyé ses amis, que Dieu soit satisfait d'eux, vers la terre d'Abyssinie. وتظهر كذلك معرفته الدقيقة للدول المحيطة بالعرب. Et apparaît de la même manière sa grande connaissance du monde qui entourait les Arabes, ou des grands pays ou grands empires qui entouraient la terre arabe, فهو لم يرسل أصحابه رضوان الله عليهم لدولة الفرس أو دولة الروم أو غيرها. Il n'a pas envoyé ses amis vers l'État perse ou l'État byzantin. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الحبشة منذ صغره. Le prophète, prière et sagesse, lui, a aimé l'Abyssinie depuis son enfance. فحاضنته أم أيمن رضي الله عنها حبشية كما روى الإمام مسلم. Sa nourrice, أم أيمن, la mère de أيمن, était une femme d'Abyssinie, comme l'a rapporté l'imam Muslim. هي التي ربته, c'est elle qui l'a élevé. وربما حكت له عن الحبشة, et peut-être elle lui a raconté les contes, les histoires des Abyssins. وحكت له عن طباع الحبشة, et peut-être elle lui a raconté aussi le caractère des Abyssins. وصاحبه بلال رضي الله عنه من الحبشة, et son ami ou son compagnon Bilal, que Dieu soit satisfait de lui, faisait partie aussi de l'Abyssinie. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم وأعز الناس إليه ابنته وابن عمه وصهره إلى الحبشة أو إلى إفريقيا. Et le prophète, prière et sagesse, lui, a envoyé ses amis, que Dieu soit satisfait d'eux, et les gens les plus chers et aimés à lui, comme sa fille, comme son cousin et comme son comme son beau-fils, vers l'Abyssinie ou bien l'Afrique. فكانت أول قارة تستقبل المسلمين المهاجرين هي إفريقيا. Et l'Afrique fut le premier continent qui a accueilli les musulmans émigrés. وهكذا تشرفت الحبشة وتشرفت معها إفريقيا ببركة آل البيت. Et ainsi l'Abyssinie et l'Afrique ont été honorées par la bénédiction des gens les plus proches du prophète, prière et sagesse. مشت فوق أرضها رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Son sol a été foulé par Ruqayya, que Dieu soit satisfait d'elle, la fille du messager de Dieu, prière et sagesse. ومشى فوقها جعفر رضي الله عنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. Son sol a été foulé aussi par Ja'far, le cousin du prophète, prière et sagesse. ومشى فوقها صهر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. Et son sol de la même manière a été foulé par le beau-fils du prophète, prière et sagesse, et le troisième calife orthodoxe عثمان fils de عفان, que Dieu soit satisfait de lui. وكأنه توطيد للعلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأفارقة. Et comme s'il s'agissait d'un renforcement de relations et de liens entre le messager de Dieu et les Africains. توجه في الأخير بزواجه بمارية المصرية, qu'il a couronné par la fin par son mariage avec Maria l'Égyptienne. بعد هذا جاء وفد من الحبشة إلى مكة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. Par la suite, une délégation est venue de l'Abyssinie pour rencontrer le prophète, prière et sagesse, lui, dans la Mecque. كما قلت وفدا مسيحيا, une délégation chrétienne, بضع وثلاثون رجلا, une délégation faite de 33 hommes. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا. Et le prophète, prière et sagesse, lui, a récité devant eux le chapitre ياسين, et tout le monde a pleuré. وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. Ceci est fort, ressemble trop à ce que recevait Jésus, prière et sagesse, lui. فأنزل الله, et Dieu a révélé ces versets coraniques. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Et tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit nous sommes chrétiens. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. et ce parce qu'ils ont des prêtres et des moines et qu'ils n'affichent aucune superbe. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Dès qu'ils entendent ce qui a été descendu au messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité qu'ils y ont reconnue, et ils disent, notre Seigneur, nous avons cru, inscris-nous donc avec les témoins, ila qawlihi ta'ala, jusqu'au verset coranique, fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha l'anharu khalidina fiha. Dieu les récompensa alors pour ce qu'ils ont dit en leur donnant des jardins sous lesquels coulent des rivières et où ils seront immortels. Telle est la récompense des bienfaiteurs. Lorsque cette délégation quitta le prophète, prière et sagesse, ra'ahum Abu Jahl, Pharaon de cette umma. Abu Jahl, qui signifie le père de l'ignorance et de l'injustice, ce grand pharaon de cette nation, leur dit « Khayyabakum Allahu min raqb » que Dieu cause votre perte aux délégations. « Ba'athakum qawmukum min ahli dinikum li ma'rifat khabar al-rajul » votre peuple qui a la même religion que vous, vous a envoyé pour connaître la vérité de l'homme. « Falam tatma'inna majalisikum indahu » et vous, dès que vous l'avez vu, faraqtum dinakum wa saddaqtumuh, vous avez abandonné votre religion et vous avez cru en lui, ma na'lamu rakban ahmaqa minkum. On n'a jamais vu une délégation plus folle que vous. Wa fil akhir aqul hatayn al-mulahadatayn. À la fin, je vais formuler ces deux remarques. Istafada al-ulama min hadhihi al-qissa. Les savants ont déduit de cette histoire comme quoi le musulman peut jouir de la protection d'un non-musulman tant qu'il n'y ait pas des conditions imposées par le non-musulman, des conditions non acceptées en islam. Yani hadhihi al-himaya ja'iza ma lam takun shurut min taraf الذي يحمي على المحمي الذي هو المسلم. وقالوا والدليل أن المسلمين كانوا في حماية عظيم الحبشة أو ملك الحبشة قبل أن يسلم. Et la preuve c'est que les musulmans jouissaient de la protection du Négus, ce chrétien, avant même son islam. والدليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كانوا في حماية بعض المشركين كأبي طالب وغيرهم. L'autre preuve c'est que le prophète prière et sagesse jouissait de la protection de son oncle qui était associateur, son oncle Abu Talib, et de la même manière d'autres musulmans jouissaient d'autres protections d'autres associateurs. La deuxième remarque أنه وجد في الكتب في كتب التفسير الإسلامية قصة كلها كذب ومفترات. C'est que on trouve dans quelques livres d'interprétation coranique anciens une histoire inventée, mensongère, inventée de toutes pièces. والسبب la raison أنه لما سجد كل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الكعبة. C'est que le jour où tous les associateurs se sont prosternés à côté ou avec le prophète prière et sagesse à côté de la كعبة, قالوا بأن النبي السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الجملة. Ils ont dit que le prophète prière et sagesse à l'intérieur des versets du chapitre l'étoile, يعني قرأ في وسط صورة النجم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لفرجا. Ces hautes divinités ou ces idoles hautes divinités leur intercession est souhaitée. فقال المشركون les associateurs قالوا الرجل محمد يقول شيئا حسنا عن آلهتنا في قرآنه. Ils ont dit que Mohammed est en train de dire de bonnes choses sur notre idole. فسجدوا معه et ils se sont prosternés avec lui. وقالوا في التحليل et dans l'analyse ils ont dit بأن الشيطان ألقى هذه الكلمة هذه الجملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit que Satan, le maudit, a jeté cette phrase dans la parole du prophète prière et salut, dans la parole sacrée du prophète prière et salut sur lui. Et c'est-à-dire sans se rendre compte, le prophète prière et salut sur lui a dit cette phrase. ولكن جميع العلماء ردوا هذا الكلام وردوا على هذا الكلام. Mais la majorité des savants en islam, soit les anciens ou bien les contemporains, ont refusé cette histoire et ont refusé cette analyse et ont jeté le tout en bloc. L'imam, pourquoi? Les telettes au mot, pour trois raisons. أولا, أن الله تعالى وتبارك تكفل بحفظ القرآن الكريم. La première raison, c'est que Dieu le Très-Haut a pris en charge la sauvegarde du Coran. فكيف الله تعالى وتبارك العظيم تكفل بحفظ القرآن ويترك إبليس اللعين يلقي في القرآن ما ليس من القرآن. Donc comment Dieu qui a pris en charge la sauvegarde du Coran va-t-il laisser Satan le maudit inspirer ou jeter des paroles sataniques dans le Coran? Ce n'est pas possible. الشيء الثاني, la deuxième chose, أنه لو كان الشيطان قادرا على هذا الفعل لفعل نفس الشيء مع كل الآيات ولا حرف كل القرآن. La deuxième chose, c'est que si Satan avait ce pouvoir, il ferait la même chose mais avec tous les versets coraniques. Et il y aura un mélange de versets coraniques et versets sataniques. لماذا يعمل فقط مع هذه الآية? Pourquoi Satan va user de son pouvoir seulement dans ce verset. الشيء الثالث والأخير, la troisième raison qui est la dernière, هو هذا الشيء مضاد لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Cette histoire s'oppose à l'infaillibilité du prophète prière et salut sur lui et à sa véracité. Le prophète ne dit que ce qui est vrai. Il n'a jamais menti. Et s'il dit cette phrase, ces hautes divinités, ça veut dire les idoles, leur intercession est souhaitée, ça veut dire qu'il va mentir. Et le prophète ne ment jamais. Ils ont dit de la même manière, ils ont dit que cette histoire n'a été rapportée ou racontée même pas par un seul compagnon. بمعنى القصة موضوعة وهي لمحاربة الإسلام. Ça veut dire que cette histoire a été inventée de A à Z pour combattre l'Islam. وإلى حصة قادمة إن شاء الله et vers une autre séance si Dieu le veut. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, كما صبرتنا في هذه الساعة وأتيت بنا إلى بيتك وأدخلتنا بيتك وفتحت لنا بيتك, اللهم افتح لنا بيتك الجنة غدا يوم القيامة. اللهم أدخلنا إلى بيتك الجنة غدا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة حول سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجمعنا معه على الحوض واسقنا من يده شربة لا نعرف الظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جعلتنا نستمع للسيرة في هذه الساعة,